cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Intahayna fi darsina al-akhir dans notre dernier cours wa lillahi alhamd. On a fini la lecture du 10e chapitre. Ayfi as-salam wa idhar al-bishr wa al-tabassum. هذا خلق عظيم. Ça fait partie des comportements du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de propager le salam, bien sûr de répondre au salam, d'avoir un visage souriant. Wa hadha yahtaj ila sabr. Ça demande de la patience de mettre en application ce comportement et tous les comportements qu'on a vus. Les bons comportements, c'est une mise en application avec les autres. Peut-être que tu auras du mal à accepter le comportement de certains, à patienter face au comportement de certains, à continuer les efforts face à l'attitude d'un tel ou un tel. C'est du digne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إِنَّمَا بُعِثُ لِأُتَمِّمْ مَكَارِمْ الْأَخْلَقِ. Le fait d'embellir son comportement, de faire des efforts, mujahadatu an-nafs kadhalik, de combattre ses passions, ça fait partie du din. Et nous, on espère bihada la récompense d'Allah azza wa jal. Wa illa fatadhkuruna kalam Ibn Hibban rahimahullah an irda an-nas, satisfaire les gens, c'est impossible. Lakin, celui qui a cette niya, cet objectif, cette intention, annahu, il s'améliore jour après jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant la voie du prophète Muhammad alayhi salatu salam, la shak anna, ça va être beaucoup plus facile pour lui, bi'idhnillah. On peut conclure le chapitre précédent avec la parole de Sheikh Abd Salam Ibn Burjis rahmatullah alayhi dans sa risale al-i'lam bi-ba'd Ahkam al-Salam, qu'on avait cité. C'est une référence tayyiba sur les règles du salam. Qala fajadiru bil muslim an yafshi al-salam fi al-ard muhtasiban al-ajr fi ihya al-sunnah wa fi imtithaliha. Donc, après avoir connu les mérites, les bienfaits du salam, et que c'est la voix de notre prophète Muhammad alayhi salatu salam, donc on doit tous faire des efforts pour faire revivre cette sunnah, pour la propager. Sahih, dans certains endroits, tu trouves un musulman qui passe à côté d'un musulman et il ne se passe pas le salam. Pas parce qu'ils ont un problème entre eux. Là, probablement, ils ne se connaissent pas, lakin, ils ont des faiblesses dans l'application de la sunna. Bel taqaddam ma'ana, parmi les signes de la fin des temps, al-muslim, il passera le salam à ceux qui connaissent et il ne passera pas le salam à ceux qui ne connaissent pas. On doit faire des efforts. Tu vois ton frère musulman, tu lui passes le salam lillah. Qala wala yutni an as-sayr fi hadha at-tariq ma yuwajihu min adha wa istihza' wa 'adam ijaba fa inna intishar as-sunan yahtaj ila as-sabr wa musabara inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Kadhalik al-Sheikh Abd Salam rahimahullah nabbaha. Il a fait cette remarque avant de conclure. Tu trouveras des gens, Obama, qui ne répondent pas. Ou d'autres qui se moquent. Ou d'autres qui ont un mauvais comportement, des mauvaises paroles. Lakin, notre objectif, ça doit être de propager sunnah. Lillah, Azza wa Jal. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et ceux qui patientent, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donnera une énorme récompense. On doit tous faire هذا الاجتهاد لله عز وجل en suivant le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام والسنة فيها خير وبركة. فهذا ما يتعلق بالباب السابق, le chapitre précédent. قال الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر ما أبيح من المزاح كذلك يقال المزاح لِلْمَرْءِ وَمَا كُرِهَ لَهُ مِنْهُ. Le 11e chapitre, il a cité, rahmatullah alayhi, ma يتعلق بالمزاح أو المزاح، أي concernant le fait de plaisanter. قال رحمه الله حدثنا أحمد ابن علي ابن المثنى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم يقال له أنجشة وكان حسن الصوت. Il avait une voix portante. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفة النساء. هذا الحديث حديث صحيح إلى في صحيح البخاري صحيح مسلم. وهذه القصة كأنس رضي الله عنه إلى عبقتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم كي سابل أنجشة. Donc, il travaillait pour un Nabi alayhi salatu wassalam. وكان حسن الصوت. Il avait une voix portante. Et مرة, ils étaient en voyage. Et les femmes, كما تعلمون, à l'époque, quand ils voyageaient, les femmes, elles étaient sur les montures. Chameaux autres, il y avait un endroit comme une tente au-dessus de la monture. Et cette femme, elle était dans cet endroit. وأنجشة avec sa voix, il a fait certaines choses pour que les chameaux ils marchent plus vite. هذا معروف. On a certaines choses à dire, à faire pour que la bête elle marche plus vite. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة. أي doucement يا أنجشة. لا تكسر القوارير. القوارير c'est des récipients en cristal. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a comparé les femmes aux قوارير كما قال قتادة يعني ضعفة النساء. نعم خاصة أن المرأة son corps en général il est beaucoup plus fragile que celui de l'homme. فلا تتحمل كثرة الحركة خاصة possible qu'une de ces femmes elle est enceinte. ففي هذا الحال يحتاج إلى رفق وهدوء. أما le fait que cette bête elle précipite le pas, elle peut galoper, ça peut faire beaucoup de mal à ces femmes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لا تكسر القوارير. Et ne brise pas ces récipients en cristal. هذا الإمام الحبان رحمه الله تعالى إلا cité لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع أنجشة. إلا cité cette phrase من باب المداعبة pour montrer à أنجشة أنه il fallait mieux dans ce cas ne pas se précipiter. Et هذا ça montre كذلك la douceur du prophète محمد عليه الصلاة والسلام أنه il a fait parvenir هذا النصح à أنجشة avec un كلام طيب, avec un كلام rempli de douceur. هناك أحاديث أصرح, il y a des أحاديث plus clairs sur la plaisanterie. الإمام الترمذي رحمة الله عليه dans son livre شمائل النبي صلى الله عليه وسلم il a cité un chapitre في هذا. Et الشيخ الألباني رحمة الله عليه il a un مختصر على الشمائل, il a fait le résumé de ce livre. الإمام الترمذي il a cité à peu près, نعم, comme à peu près 400 hadiths, un peu plus. Et l'imam al-Albani, rahimahullah, il l'a résumé. Mukhtasar, Shama'il al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une référence, fi hada. Ce livre, il est tayyib. L'imam al-Albani, c'est un livre qui traite un domaine très très important. Shama'il, c'est les caractéristiques, les aspects. Imma physique, imma morale, du prophète Muhammad, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, il a cité plusieurs chapitre avec des hadiths du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam pour montrer les caractéristiques physiques du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sa taille, كذلك comment il mangeait, comment il buvait, comment il dormait, etc. وهكذا ما يتعلق بالأخلاق أي les comportements du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un kitab nafis jiddan, très très très très simple et très très profitable, encore plus avec le tahqiq de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et il a fait, comme on vient de citer, l'ikhtisar. Il l'a résumé. Il a cité dans le chapitre numéro 36, rahimahullah, et l'imam Tirmidhi, bab, ma ja'a fi sifati mizahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc un chapitre concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y plaisantait. Donc, hada, ça nous montre que c'est permis. C'est permis, bien sûr, avec certaines conditions que l'imam al-Hibban il a cité. Qabla dhalik, nahnu, le but l'an, c'est de citer un ou deux hadiths. Il y a des exemples que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam y plaisantait. بعض الأحاديث ضعيفة لكن on peut citer حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لصغير يا أبا عمير ما فعل النغير. مرة أنس رضي الله عنه il avait un frère et son frère il avait un petit oiseau. Et cet oiseau, il est mort. Il jouait avec. Hatta cet oiseau, il est mort. Et cet enfant, le frère de Anas, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, marra, il l'a croisé et il a vu qu'il était triste. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait que cet oiseau, il était mort. فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ يَا أَبَ عُمَيْرِ مَا فَعَلَ النُّغَيْرِ. النُّغَيْرِ, c'est الطير, c'est l'oiseau. Il a dit, يَا أَبَ عُمَيْرِ مَا فَعَلَ النُّغَيْرِ. Qu'est-ce que l'oiseau, il a fait? هَي مِنْ بَابِ الْمِزَاحِ وَالْمُدَاعَبَ. Ça nous montre que Ahyanan, ton frère musulman, il a besoin de ce genre de paroles douces. Il m'a une plaisanterie, il m'a quelque chose qui le rassure. Wa ta'ammalu anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris en considération même l'état de cet enfant. Limadha li anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam arsalahu Allahu 'azza wa jalla rahmatan lil 'alamin. Une miséricorde pour tout le monde. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. هذا الحديث اللي في الصحيحين كذلك حديث encore plus clair في المزاح لكن فيه ضعف بعض العلماء ضعفوه لا شك ان la chaîne de transmission اقصد elle est ضعيفه لماذا on peut la lire قال رحمه الله الامام الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب ابن المقدام قال حدثنا المبارك ابن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الحسن البصري il n'a pas vécu au temps du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et هنا il a rapporté ce hadith directement عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي une femme, une vieille femme à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم il a أخره. Et les ulama ils ont démontré أن الحسن البصري entre lui et le prophète صلى الله عليه وسلم il y a des centaines d'années. الحديث إلي مرسل أي une coupure entre le Hassan et le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. مع هذا بعض العلماء ils ont cité des autres ahadith qui le renforcent. حديث عائشة رضي الله عنها الإمام الطبراني l'a rapporté et الشيخ الألباني رحمه الله il a حسن ce hadith dans مختصر الشمائل. Donc là بس on le lit. قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنه. Donc cette femme âgée رضي الله عنها elle est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a demandé ya rasoul allah demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me fasse rentrer fi al janna au paradis. فقال صلى الله عليه وسلم يا ام فلان ان الجنه لا تدخلها عجوز. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à cette femme ان les femmes âgées, elles ne rentreront pas, au paradis. قال فولت تبكي. Cette femme, elle s'est retournée, elle a commencé à pleurer. لماذا لأن elle a entendu أن les femmes âgées ne rentreront pas au paradis. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à ceux qui étaient présents dites-lui Anna elle ne rentrera pas au paradis en étant âgée. هذه c'est une بشرة عظيمة pour cette femme. أي elle rentrera au paradis لكن كما قال الله عز وجل وجاء في حديث معاذ أن les habitants du paradis يدخل أهل الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلاثين au thalath wa thalathin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé, ceux qui rentreront au paradis, ils auront 33 ans. Tous cet âge. 33 ans. Donc cette femme, elle rentrera au paradis, lakin, pas en étant une femme âgée là. Tout le monde rentrera, les croyants qui rentreront, à cet âge. Donc, hada c'est min bab al mizah. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit hada, pas pour la vexer, abadan, lakin min bab المزاح عليه الصلاة والسلام فراجع الشمائل إلى ستة d'autres أحاديث فيها فوائد كثيرة. Donc الإمام نحبان رحمه الله إلى ستة هذا الباب ذكر ما أبيح من المزاح للمر وما كره له منه. Donc dans ce chapitre عليه رحمة الله il a démontré أن من المزاح ما هو مباح. Le fait de plaisanter ça peut être permis et ça peut être interdit. قال رحمه الله الواجب على العاقل أن يستمل قلوب الناس إليه في المزاح. On répète ce mot المزاح en langue arabe. Tu peux le lire بكسر الميم المزاح et tu peux le lire بضم الميم المزاح. الإمام لحبان رحمه الله il l'a cité et المحقق qui a mis الحركات il a mis beaucoup il a mis une ضمة. Enfin on le lira كما هو هنا. فقال الواجب على العاقل أن يستمل قلوب الناس إليه في المزاح والترك التعبس. نعم على العاقل أنه يستعمل المزاح في حتى يستمل قلوب الناس. لماذا؟ لأن comme on a beaucoup cité أن الناس ils regardent beaucoup le comportement. فأنت en tant que sunni en tant que talib ilm inshallah ta'ala pour faire parvenir cette da'wa et كذلك pour que hada l'islam il se propage akthar wa akthar, on doit utiliser, on doit mettre en application ces comportements. On a lu al hadith anna nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité comme قال انس انه il a dit la phrase qu'on a lu dans le hadith ma ya Abu Umair ma fa'ala an-Nughayr avec son frère wa hakadha le hadith avec la femme âgée in thabat fa hada ça fait partie de notre din. Qala wa al-muzah 'ala dharbayn fa muzah mahmud wa muzah madhmum. Donc le fait de plaisanter deux catégories, tu as le droit de plaisanter lakin si cette plaisanterie elle ne comporte pas du haram. قال فأما المزاح المحمود. المزاح المحمود أي le fait de plaisanter est c'est recommandé, c'est permis. قال فهو الذي لا يشوبه ما كره الله جل وعلا ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم. Donc c'est le fait de plaisanter, lakin cette plaisanterie elle ne renferme pas, elle ne comporte pas une chose de haram. Un mensonge. Une moquerie envers ton frère, le fait de lui faire peur, etc. C'est permis, tant qu'il n'y a pas du haram. قال وأما المزاح المذموم. أما la plaisanterie qui est haram, on doit éviter. قال فهو الذي يشوبه ما كرهه الله جل وعلا. أما si le fait de plaisanter, l'insan il plaisante avec une chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a haram, fa fi hadha al-hal la yajouz. Mathalan, plaisanter et critiquer son frère musulman bi ghayri haqq, al-ghiba wa an-namima, la médisance. Enfin, la médisance c'est haram. Donc, plaisanter, faire de la médisance, thumma, prétendre que c'est une plaisanterie, fa hadha c'est haram. Kadhalik, se moquer, ba'd an-nas, bal c'est devenu un métier, iyadan billah. Ils essayent de faire rire les autres, ils plaisantent et ils se moquent d'un tel et un tel. Ils se moquent du dit. Il veut plaisanter, il veut faire rire les autres et si c'est un musulman, il perd son dit. Il y en a se moquer du dit, c'est un aqid min nawaqid al-islam. C'est un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Kadhalik, et c'était très propagé à notre époque et on doit faire attention. لأن في هذا المزاح يقع فيه حتى بعض الفضلاء من أهل السنة انهم يبليزونت لكن بكذب en mentant. Et بعضهم يبونسوا كو سي سي en plaisantant et le mensonge, ce n'est pas interdit. À cause de l'ignorance, بعضهم يبونسوا هذا. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له الحديث رواه الترمذي et الإمام الألباني لحسن في صحيح الترمذي ويل له ويل له malheur à lui et à qui à celui qui veut faire rire les autres en mentant. فنحذر من هذا. On fait attention. La plaisanterie comme تقدم معنا c'est permis à la base. Lakin tu peux plaisanter wallillah alhamd sans mentir, sans médire, sans se moquer de ton frère, sans te moquer de ton frère musulman. قال رحمه الله وأما المزاح المذموم فهو الذي يشوبه أي يخالطه ما كره الله أي plaisanter لكن avec une chose que Allah سبحانه وتعالى il a interdit جل وعلا. كذلك on peut citer من المزاح المنهي عنه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. Ce hadith il est fait sahih muslim. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من أشار إلى أخيه بحديدة. Celui qui pointe, ça peut être une arme, ça peut être un couteau, ça peut être une chose qui peut faire du mal en direction de son frère. فإن الملائكة تلعنه. Les anges ils le maudissent. حتى يدعو. Jusqu'à ce qu'il délaisse هذا. وإن كان أخاه لأبيه وأمه. Même si c'est son frère. Son frère germain, ils ont le même père, la même mère. Enfin, al-malaika, ils le maudissent. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'à ce genre de plaisanterie, il n'y a pas de différence entre ton frère, un proche, un ami et un étranger. Les al-nalbard, avec les gens qu'ils connaissent, ils s'autorisent certaines choses. Thomas, s'ils sont conseillers, ils disent, mais je plaisante. Même, tu as le droit de plaisanter, lakin tu es obligé de te conformer à la sunna du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Enfin, الكذب لا يجوز et كذلك plaisanter en pointant une chose envers ton frère, un couteau, autre. فهذا كذلك c'est haram, même au nom de la plaisanterie. Et ça nous montre حكمته هذا الدين العظيم. لماذا؟ لأن ça peut ouvrir une porte comme من الناس. Ils plaisantent, ثم ils se font beaucoup de mal. نشروا أمس في الأخبار hier, ils ont propagé aux informations أن واحد نسيت dans quel pays. Anahu, il se filmait sur les réseaux et il a simulé un suicide avec une arme. Mais Mbab al-Mizah, pour plaisanter, pour faire rire les autres. Et qu'Anahu, il a oublié que cette arme, elle était chargée. Et Iyadam Billah, il a tiré, il est mort sur le coup. Andorou. Andorou, ceux qui suivent pas la voix du prophète, alayhi salatu salam. Il a perdu la vie. Il rendra des comptes. عند الله سبحانه وتعالى الله أعلم son حال c'est un مسلم أم لا على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit هذا pour fermer les portes. هكذا من هذا الباب تخويف المسلم بالسيارة. Ça arrive souvent هذا أن بعض الإخوة pour plaisanter il voit son frère marcher dans la rue et هو il est en voiture et il simule أنه il fait exprès de lui foncer dessus. أولا تفبر على فرير مسلم وهذا لا يجوز سي حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما أنتغدي هذا تفبر على فرير مسلم. الحديث رواه أبو داود الشيخ مقبل رحمة الله عليه إلا صحح الصحيح المسند لا يحل سني بابر ميو مسلم أن يروع أي تفبر على فرير مسلم. فأفك سيد بلزانتري تفبر على فرير مسلم. كذلك tu n'es pas à l'abri أخي الكريم. Mais c'est déjà arrivé أن avec cette simulation أن quand tu le fonces dessus أن les frères ils lâchent أن ton frère il fait un mauvais geste il se blesse أن tu maîtrises plus le véhicule et il arrive quelque chose de très très grave. فلماذا tout ça pour une plaisanterie؟ هذا ça nous montre ماذا؟ ça nous montre أن il n'y a aucun doute أن les frères qui font cela c'est par ignorance. Ils ne font pas une نعم, ils ne contredisent pas la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam volontairement, en général. Lakin, à cause de l'ignorance, on doit apprendre même ces faits et gestes banals dans la vie de tous les jours, Wallahi alhamd, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des preuves, des hadiths qui nous montrent comment nous comporter. Hadihi ba'd al-amthila. Kadhalik, on peut citer un dernier exemple. An al-ba'd, pour plaisanter, ils savent que un tel ou un tel parmi leurs proches, ils ont peur de tel animal, mathalan un serpent. Et pour plaisanter, pour faire rire, ils achètent un serpent en plastique. Comment ils le jettent ou ils le placent dans un endroit, hatta ce musulman qui a cette phobie, et ta'lamoun anna, celui qui a la phobie d'un animal, probablement cette plaisanterie elle peut causer sa mort, il peut faire une crise. Fa wa'dhum ayyadan billah, ils font peur à ce musulman avec cet animal. Même si c'est en plastique, même si c'est une plaisanterie, rappelle-toi de ces deux hadiths. La yahill li muslim an yurawwi' musliman, tu n'as pas le droit de faire peur à un musulman en plaisantant, et encore plus grave si c'est volontairement. Et sérieusement, sans plaisanter. وهكذا rappelle-toi du deuxième hadith. ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له. Ça c'est pas simple, ya jamaa. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demande al-wail. Al-wail est traduit par le malheur. Fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il demande al-wail sur quelqu'un ou sur une chose. En tant que musulman, la bud an nahdhar. Autre chose, ba'dhum, ils rendent tristes leurs frères en plaisantant. كيف هذا, un dernier exemple, en cachant مثلاً شيء من متاعه. مثلاً, il est parti, on peut citer l'exemple, au masjid, ça arrive, et il fait salat, ثم il sort du masjid et il ne trouve plus ses chaussures, ou il ne trouve plus sa veste, ou il a posé son téléphone, il ne le trouve plus. ثم ça le rend triste, il cherche, il a akhiri. Et en bas de l'ikhwa, probablement, ça les amuse. Mimbab al-muzah. Hada la yajouz. La yajouz. Tu n'as pas le droit de faire du mal à ton frère. Tu n'as pas le droit de lui faire peur. Tu n'as pas le droit de mentir. Tu n'as pas le droit de te moquer. La plaisanterie, comme c'est atima'ana, on doit tous plaisanter. C'est ça la base. Si on plaisante, c'est pour prendre du bon temps. C'est permis. Enfin, alhamdulillah. Amma, que wahadi plaisante et l'autre, il est triste ou أو نسموك دبي فهذا فيه نظر خاصة سينسي أحيانا سينبليزانتري ونسيبا فهذا ربما شيء آخر لكن سي شوز كنا سيتي سي كلير لفونسي دوسويك لا فوتور أو لكاشي اون شوز أو هذا سي كلير كو سافا لا تريستي فهذا يجتنب اون سي كار دو هذا. ثم قال رحمه الله فمن المزاح المذموم تثور العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة وَيَجْدَرِئُ الدَّنِيءُ عَلَيْهِ وَيُحْقَرَ الشَّرِيفُ بِهِ. Ça c'est parmi les conséquences néfastes des plaisanteries. Ça y est, ma'ana, pas que dans le haram. Et là, pour bien suivre, on a cité les deux catégories. Plaisanterie permis, c'est permis à la base, tant qu'il n'y a pas de mensonge, tant que c'est pas fondé sur du haram comme on a vu. Et il y a la plaisanterie haram. Le mensonge, faire peur à son frère, etc. La plaisanterie haram, ça c'est clair, on ne va plus en parler pratiquement, ça c'est clair, c'est haram, on doit éviter. La plaisanterie permise, même cette plaisanterie, si on n'a pas de limite, elle peut causer elle peut être même la cause de choses très mauvaises entre toi et ton frère. قال تثور العداوة, ça peut être une cause de عداوة, animosité. قال ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويشتري الدني عليه. Et tout ça, ça y est, ma'ana, la nastajil, tous ces points, il les a cités, rahimahullah, dans des athar, fanaqra. قال rahimahullah, أخبرنا محمد ibn al-Mundhir, قال حدثنا إبراهيم ibn محمد الرقي, قال حدثنا أبو موسى الأنصاري, قال حدثنا بكر ibn سليم, قال سمعت ربيعة يقول إياكم والمزاح فإنه يفسد المروءة ويغل الصدر إياكم والمزاح. إما المزاح الحرام, la plaisanterie haram, c'est clair. إما le fait de beaucoup plaisanter. لأن si tu veux plaisanter avec ton frère أخي الكريم, tu dois prendre en considération le contexte, la situation de ton frère. أحيانا tu le vois sur le visage de ton frère ou un de tes proches, femme, enfant, parent, frère, أنهم ils sont fatigués, أنهم ils sont énervés pour une raison. Dans ce cas, l'insan doit faire attention. Ça peut commencer avec une plaisanterie et ça peut finir avec des problèmes. قال إياكم والمزاح فإنه يفسد المروءة ويغل الصدر. Ça cause كثيرا, le fait de plaisanter, encore plus en dépassant les limites, ça cause de la rancœur dans les cœurs. قال وأخبرنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا الفيض بن الخضر التميمي قال حدثنا عبد الله ابن خنيق قال كان يقال لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا تمازح الوضيع فيشتري عليك. هذا الأثر إلى الطيب لماذا؟ لأن il nous montre أن même si la plaisanterie elle est autorisée, elle est permise, ce n'est pas elle n'est pas basée sur du haram, mensonge ou autre. Même si cette plaisanterie elle est permise, fais attention de ne pas plaisanter avec tout le monde. قال لا تمازح الشريف. الشريف c'est celui qui a un rang plus élevé que toi. Imma dans l'ilm, imma dans la société, niveau social, imma l'âge, il est plus vieux que toi, il a akhir. لماذا قال فيحقد عليك. خاصةً s'il y a du monde. Et un tas, tu fais une plaisanterie et tu fais rire les autres. Obama, à cause de son rang, il n'acceptera pas. On prend l'exemple de l'âge. Tu es plus jeune que lui, il n'acceptera pas. فيحقد عليك. Shaitan, il va amplifier la chose. Et ce muslim, il aura de la rancœur envers toi. Et ça peut causer al-hajr, etc. قال ولا تمازح الوضيع. الوضيع, ça vient de l'ouضع. Avec quelqu'un qui est plus bas que toi. Imma l'âge, imma dans niveau social. Il a arrêté. قال فيشتري عليك. Probablement, il n'est pas prêt. Maintenant, un jeune, et il n'est pas encore mature, et il a encore cette fougue de la jeunesse. Probablement, ce que tu voulais, c'est une plaisanterie. Et on accentue encore plus quand il y a du monde. Et le fait qu'il y ait du monde, ça change tout. Vous avez remarqué, Hienan, tu es avec une personne, vous êtes que deux. Dire certaines choses, il a akhri, ça peut passer. Lakin, quand il y a du monde, probablement, il se vexe. Probablement, la fierté, elle rentre, etc. قال فيجتري عليك. Peut-être qu'il va prendre ça que tu es plus vieux que lui, ou tu as plus de science que lui, ou tu as plus d'argent que lui, donc tu veux l'humilier, tu ne le respectes pas. Il a akhri. هذا ça nous montre quoi? Ça nous montre أن même avec les personnes avec qui tu veux plaisanter, tu dois faire attention. مثلاً, est-ce que on peut mettre au même niveau un ami? Tu as grandi avec lui, tu le connais très très bien. Tu connais ses habitudes, il a akhri, avec un étranger, une personne que tu rencontres maintenant dans un voyage, c'est pas la même chose. Là, il faut d'aimer des distances, du respect. Tu ne peux pas dire à un ami proche ce que tu dis aux autres. Hada, c'est ma'rouf. Lil asaf, ba'd an-nas, tu viens de le rencontrer et il se permet de dire certaines choses, que ce soit en plaisantant ou autre. Et ça montre direct annahu fihi shay min at-taysh, la fougue, la précipitation. Et hada en général la tartah, directement tu vas mettre des distances. Limada li anna tu sais que au bout de 5 minutes ce qu'il se permet de dire, enfin si tu le laisses, fallahu a'lam qu'est-ce qu'il dira. Donc on doit tous faire attention. Thumma qala wa anshadani Muhammad ibn Abdullah al-Baghdadi qala أكرم جليسك لا تمازح بالأذى إن المزاح ترى به الأفغان. أكرم جليسك, honore ton frère, ton hôte, celui qui est avec toi, ton compagnon. لا تمازح بالأذى, ne plaisante pas avec الأذى. الأذى c'est en faisant du mal, avec une moquerie, rabaissée, manque de respect, en divulguant des choses secrètes. لا تمازح بهذا. Là, et en le chacun, même s'il sourit, ça va lui faire du mal. Et si ça lui fait du mal, c'est une brèche qui s'ouvre dans son cœur. Et Shaitan, c'est ce qu'il attend. Shaitan, Obama, il rentre dans cette brèche, il amplifie l'affaire. Thumma, ce frère, au bout d'un, deux, une semaine, il t'envoie un message, ou il t'appelle, ou il te dit, tu m'avais dit, hada, ou tu le vois. Ahyanan, ça peut être plus grave. Annahu, il change, il ne te dit rien. En fait, tu sais même plus pourquoi. Allez, on doit fermer la porte. قال إن المزاح ترى به الأفغان كم من مزاح جذ حبل قرينه فتحزنت قال فتحزنت من أجله الأقران. Combien, قال كم من مزاح, combien de gens ils ont plaisanté et cette plaisanterie elle a été la cause les قطع هذا الحبل, Al-habl, c'est un câble, une corde. Cette plaisanterie, elle coupe ce câble, cette corde et ce lien entre toi et ton frère. بعض الناس والله السنين ils ne se parlent plus. Hajr. La tadhunnuna annahu c'est pour une histoire de aqida ou de manhaj ou une histoire des sommes d'argent ou un commerce. La wala shay min hada. Ils ne se parlent plus. Voilà, une mauvaise blague, une mauvaise plaisanterie. Le shaytan y rentre et ça peut durer des années. قال رحمه الله المزاح في غير طاعة الله مسلبة للبهاء قوله في غير طاعة الله فلا شك أي في المعصية المزاح في غير طاعة الله أي فيما حرم الله مسلبة للبهاء مقطعة للصداقة يورث الضغن كما تقدم قال وينبت الغل أي المزاح دون هنا il est revenu dans المزاح في الحرام en se moquant, en rabaissant. فهذا لا شك أنه ça cause ces choses dans le cœur de la rancœur, hatta tu voudras prendre tes distances. Ayyadan billah, ça peut aller jusqu'au hajr. قال وإنما سمي المزاح مزاحا لأنه زاح عن الحق. هذه c'est une faïda dans le droit. لماذا les arabes ils ont appelé المزاح مزاحا et la plaisanterie مزاح, ça vient du mot زاح عن الحق. زاح et le fait de s'éloigner du حق. المزاح الأصل du mot comme قال Ibn Hibban, ça vient de هذا, le fait de s'écarter du haq. Enfin, la plaisanterie, ça peut être une cause qui t'écarte d'un haq. Imma d'un lien de parenté, imma un lien avec un ami, imma بعض الناس, ils ont perdu un travail. لماذا لأنهم يplaisantent trop إلى آخره. قال وكم من افتراق بين أخوين وهجران بين متآلفين كان أول ذلك المزاح. كلام جميل. هذا الكلام on essaye de le retenir et de le propager à nos frères. قال رحمه الله كم من افتراق بين أخوين. Combien de frères et bien sûr de sœurs ils se sont séparés. وهجران بين متألفين et combien de gens qui s'aimaient, qui se fréquentaient, ils ne se fréquentent plus, ils se tournent le dos. La cause قال كان أول ذلك المزاح. تأمل قوله كان أول ذلك. أي la première étape, la première خطوة que Shaytan il a utilisé, c'est le مزاح. C'est une plaisanterie que un tel il n'a pas accepté, ça l'a blessé. ثم Shaytan كما تقدم معنا il essaiera de faire amplifier les choses. ثم Shaytan il va rappeler à ce frère, mais là c'est pas la première fois qu'il se plaisante. En fait il avait déjà dit ça. J'ai remarqué qu'il ne me respecte pas. ثم ربما un frère qui entend ça et كذلك الشيطان il le pousse, il va amplifier les choses, il va dire c'est vrai moi aussi il m'a fait ça. On doit craindre Allah. Si akhi al-karim tu as connaissance entre tes frères ça ne va pas, fais tout pour ne pas amplifier les choses, même si tu as la certitude, la conviction qu'un des deux il a tort. Voilà, chacun a un des deux il a tort. En général c'est comme ça, ahyanan les torts ils sont partagés. Lakin, si tu as connaissance qu'un des deux il a tort ou les torts ils sont partagés, n'amplifie pas les choses là. Fais tout pour être une cause de islah. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux là. Lakin, tu dis à ce frère, voilà, tu lui fais montrer les côtés positifs. Tu lui dis, sahih, annahu, il s'est passé cela entre vous. Lakin, n'oublie pas, le frère, il t'aime bien, il te respecte, il a akhir. Tu lui fais montrer les bonnes choses, les bonnes causes. Les bons aspects aqsud. Thumma kadhalik, tu vas voir l'autre frère et tu lui dis anna al-akh il s'est blessé, peut-être que tu étais maladroit et il t'aime bien, il te respecte, lakin shaytan il est rentré. Hakada tu essayes hatta un message, un coup de fil, une rencontre et on éloigne le shaytan. Amma le fait de être la cause d'une séparation, que ça soit couple, que ça soit frère, que ça soit ami, que ça soit proche, ça c'est min amal ash-shayatin. Ça c'est min amal ash-shaytan. Son objectif jour après jour de causer la division. On le répète, on ne ferme pas les yeux. Al-haq, c'est le haq. Celui qui doit faire tawbah, il fait tawbah. Si c'est par rapport au din, ça sera encore un autre procédé. Lakin, dans notre sujet, c'est par rapport à des choses qui n'ont pas grande valeur. Obama, une blague, une parole. On n'a pas le droit de. À la base du problème, c'est imma une plaisanterie, imma une parole. Thomas, ils essayent de déguiser l'affaire en manhaj et aqid. هذا لا ينبغي. On doit craindre Allah. Si c'est un problème de manhaj et de aqidah, pourquoi se taire toutes ces années, attendre une phrase, un mot de l'insan et lui tomber dessus? Conseille ton frère, il aurait pu mourir. Montre-lui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال الدين النصيحة. والعلماء قالوا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. Et ça c'est بالإجماع, l'unanimité des savants. On n'a pas le droit de retarder une chose qui peut être montrée à l'instant. لماذا retarder? Thomas, sous couvert de manhaj de da'wah, et en profiter pour faire du mal à l'autre, on doit craindre Allah. Tout ça, ça revient à ikhwan al-ikhlas. Si on travaille la sincérité, si on craint Allah, si on ne veut pas être élevé fi dunya faqat, iyadan billah, avoir le dessus fi dunya, ça ne doit pas être notre objectif. Notre objectif, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous élève yawm al-qiyamah. Tu dois t'entraider avec tes frères autant que tu peux, bien sûr, fi ta'atillah fi al-ma'ruf. Qala rahimahullah wa haddathana Muhammad ibn al-Mundhir. Qala haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn al-Husayn al-Qurashi. Qala haddathana al-Aswad ibn Amir an Abi Israel an al-Hakam. Qala kana yuqal la tumari sadiqak wa la tumazihu fa inna mujahidan kana lahu sadiq fa mazahahu فأعرض كل واحد منهم عن صاحبه فما زاده عن السلام حتى مات. ونبقى على بغي أبدا. الحكم قال كان يقال une sagesse qui était propagée à leur époque, لا تماري صديقك ولا تمازحه. لا تماري, ça vient de المراء. المراء c'est le jidal. Et ça كذلك, ça fait beaucoup de mal aux proches, aux frères, aux amis. La polémique. Al-jidal, al-mira. Fala tumari sadiqak. Ne t'habitue pas à polémiquer. Ba'dahum, iyadan billah, ils ont cette maladie. Chaque mot, chaque mas'ala, encore plus grave fait din, ils ont besoin de polémiquer. Mais comment il a akhiré? Khassadan, celui qui n'a pas d'ilm. Ou celui qui n'a pas beaucoup d'ilm. Encore plus celui qui n'a pas étudié inda ahlil ilm. Qui n'a pas certaines bases, certaines qawa'id, certaines règles maîtrisées. Une petite mas'ala, elle peut le faire polémiquer pendant 2 heures. فأمسك لسانك dans ce cas. Crains Allah Azza wa Jal. Apprends cet effort de polémiquer pendant 1 heure. Wallahi, pendant 1 heure, ya akhil karim, tu peux apprendre une page de Qur'an. Pendant 1 heure, tu peux apprendre 1, 2, 3, 4, 5 hadiths. Bi-idhnillah, Jalla wa Ala. Qala, wala tumazihu. Aïe ton ami. Évite ces 2 choses avec ton ami. Al-mira et al-mizah. Ça ne veut pas dire que tu plaisantes jamais avec lui. Abadan. On a des preuves que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a plaisanté. Lakin, Hunas Mimbab ne dépasse pas les limites. Wa'ad al-Nas. Et on connaît tous des personnes comme ça, Wallahu A'lam. Anahum, ils se sont tellement habitués à plaisanter. Anna min al-Sabah. Du matin au soir, ils plaisantent. Wallah, Hiyanan, tu te demandes d'où ils trouvent cette force. Du matin au soir. El Mizah. Ma al-Kabir, ma al-Saghir, avec ses proches, dehors, au masjid, dans la rue. هذا لا ينبغي. قال فإن مجاهدا, نعم كانه مجاهد الإمام, لأن سي رابورتي يعني الحاكم. فإن مجاهدا كانه ينظر est-ce que c'est مجاهد qu'on connaît tous المفسر أو un autre, الله أعلم. المهم ce مسلم qui s'appelait مجاهد كان له صديق فمازح, il avait un ami. Et il a plaisanté. فَأَعْرَضَ كُلُّ وَحِدٍ مِنْهُمَ عَنْ صَاحِبِهِ. Ça a causé leur séparation. كُلُّ وَحِدٍ, il a tourné le dos. قَالَ فَمَا زَادَهُ عَنِ السَّلَامِ حَتَّ مَتْ. Ils ne se sont plus parlé jusqu'à la mort. Ce qu'il reste entre les deux, c'était le salam. Alhamdulillah, ils n'ont pas atteint le niveau de l'hajr. À notre époque, ça va très très vite à cette étape, l'hajr. Même le salam. Tout ça pour une plaisanterie, là. قال أبو حاتم رحمه الله وإن طرابور مجاهد ينظر سكي مجاهد ينظر اسكو صحيح أم لا. لكن على كل حال سان اكزامبل سان اكزامبل سي سي با مجاهد ساريفي ا بوكو دوتر. قال أبو حاتم رحمه الله وإن من المزاح ما يكون سببا للتهييج المراء فالواجب على العاقل اجتنابه. صحيح أحيانا سي لا بليزونتري كي لا كوز دو المراء. Et si on réfléchit, ils sont souvent liés les deux ensemble. Et la plaisanterie et le fait de polémiquer. Souvent, ça commence par une plaisanterie et ça finit par une énorme polémique. كذلك البعض احيانا يبليزونت مي يفول فير باسي ان ميساج اي انتخول اون با بوزوان دو هذا سي تو ان كونساي افير ا تون فرير كونساي لماذا لان احيانا الاخ اي لو برون مال انه دي بار سيت اون بليزونتري اي تو فولي لو مونتري اون شوز اه سي سي تون فرير بالتي هي احسن اي تو لو مونتر اي اون نوفر با سي بورت ا شيطان قال لان المرا مذموم في الاحوال كلها لا بليزونتري ان تفصيل Ça peut être permis si c'est pas fondé sur du haram. Et si c'est haram, c'est haram. Amma al-mira, la polémique, c'est madhmoum. On doit éviter dans tous les cas. Qala wa la yakhlu al-mumari min an yafutahu ahadu rajulayn fil mira. Imma rajulun huwa a'lam min. Fa kayfa yujadilu man huwa dunahu fil 'ilm? Aw yakun dhaka a'lam min. Fa kayfa yumari man huwa a'lam min. Ta'ammal. Ceux qui polémiquent, En général, ben toujours la polémique, c'est à deux, ou ça peut être à trois, à quatre, le minimum, c'est deux personnes. Enfin, imma, tu auras, si on prend l'exemple de Matalan d'un de nous, imma, on aura plus de ilm que lui, imma, il aura plus de ilm que nous. Hakada, imma, tu as plus de ilm, il a plus de ilm. Faqal ibn Hibban, rahimahullah, imma rajulun huwa a'lamu minh. Si tu as plus de ilm que lui, Matalan, Un frère, وفقه الله سبحانه وتعالى لطلب العلم. Il fait des efforts pour العلم. Il fait des efforts pour mémoriser ما استطاع من القرآن, des hadith. Il a étudié chez les savants, il fait des cours. Il a cette, ولله الحمد, cette himma. Et cet objectif, il fait des efforts pour العلم. Et un autre, il est pas حول العلم, abadan. Commerce, plaisanterie, sport, il a akhir. Il est pas حول العلم. فقال ابن حبان ça c'est une nasiha pour chacun de nous قال فكيف يجادل من هو دونه في العلم pourquoi tu polémiques avec lui il ne donne aucune importance au ilm لماذا لأن si tu veux avancer et parler avec ton frère مثلا un نقاش علمي il faut avoir les mêmes bases أما هذا il n'a aucun lien avec العلم أنت tu vas lui dire قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك تبغى يقول قال الله عز وجل في القرآن تبغى يقول قال الإمام أحمد قال الإمام مالك قال فلان قال فلان توسا كذلك تبغى يقول سيتي دي سامون كونتمبوران قال الإمام الألباني قال الإمام مقبل قال شو ابن باز شو ابن عثيمين إلى آخره à la fin très simplement il peut te dire mais là moi mais on m'a dit j'ai vu j'ai entendu فلماذا perdre ton temps لماذا perdre ton temps dans ce cas qu'est-ce que tu dois faire là tu jadil S'il veut écouter, dis-lui, j'ai une nasiha pour toi, pas besoin de jidal. J'ai une nasiha pour toi, lillah. Et je vais t'enseigner une chose si tu veux. Enfin, s'il veut le haq, il va te dire oui. S'il veut pas, il va te dire non, il coupe court, ça sert à rien. Ah, avec, si tu as plus de ilm, ne perds pas ton temps. Allez, hada, ahyanan, ba'd al-ikhwa, ils font cette erreur. Annahum, ils jadalent des gens qui ne méritent pas. Et à la fin, c'est quoi le résultat à la fin ? Il ne t'écoutera pas, il va te faire du mal. Robama, tu le feras du mal avec des paroles. Et à la fin, peut-être que la situation va s'empirer et tu ne vas plus lui parler, il ne va plus te parler. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Abadan. Et quand on dit, tu le narkoches pas, c'est pas min babel kibr. Abadan. Ça fait pas partie de l'orgueil, hada. La, bel hada, c'est min al-tawadu. Tu veux son bien. Tu veux son bien. Vous avez déjà vu un tome ? Est-ce que vous avez déjà vu un médecin qui a fait des études ? Même un étudiant dans la médecine, le médecin, on va plus le comparer à un savant. Lakin pour un talib ilm, un étudiant, maintenant il est à la faculté de médecine, il fait des efforts, des études, il prépare une thèse, il a après, il va à naqsh dans le train, dans le bus, dans le taxi, une personne qui n'a rien à voir avec la médecine, c'est pas le même domaine. Et en général, les gens, ils acceptent de prendre du médecin ou des étudiants en médecine, des fois, il a qu'à faire l'ilm. قال او يكون ذاك اعلم منه deuxième cas il est plus savant que toi tu sais maintenant que c'est un grand talib ilm que c'est un shir que c'est un savant قال فكيف يماري من هو اعلم منه pourquoi tu vas le naqish tu vas le jadal il a plus de science que toi ça veut pas dire qu'il sait tout ça veut pas dire qu'il a raison et que tu as tort là lakin fi hadha al-hal pas besoin de naqash tu lui demandes si c'est un frère ya akhi qu'est-ce que tu penses de cela moi j'ai compris cela Est-ce que tu as une faïda dans ça Si c'est un savant, tu lui demandes. Il y a Shaykh, c'est quoi le hukm de kada Et après, si c'est le haq prend, si un dalil prend, si c'est pas le haq, il n'y a pas de dalil, personne ne dit de suivre autre que le dalil. Hada. Al-manhaj, c'est le seul moyen de préserver l'unité des frères. C'est le seul moyen pour ne pas tomber dans ce que Shaitan il veut pour nous, la division. Le bon comportement, et on évite ce genre de mauvais comportement. Dépasser les limites dans la plaisanterie, et kadalik al-jidal al-farigh, qui n'est pas fondé sur l'ilm. Encore plus si le jidal il est accompagné de mauvaises intentions. Fulan, il veut faire tomber Fulan, fahada. Hada, il n'y a aucune faïda. Thumma qala, walaqad sami'tu Umar ibn Hafs al-Bazzaz, et yaqul, sami'tu Ishaq ibn al-Dhaif. Et يقول سمعت جعفر ابن عون يقول سمعت مسعر ابن كدام يقول لابنه كدام إني نحلتك يا كدام نصيحة فاسمع ما قال أب عليك شقي الشفيق. Donc ce père, il a conseillé son enfant une نصيحة pour lui. هذا فيه أن ne sous-estime pas une نصيحة pour ton fils. Une نصيحة pour les enfants فيها فوائد كثيرة. Même si ahyanan tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas, qu'il ne t'entend pas, qu'il ne donne pas d'importance, i'lam anna cette nasiha, idha sha Allah subhanahu wa ta'ala, elle pénétrera son cœur et lui fera du bien. Fansah. Et nous, on n'a que ça, le nasiha. Amma il accepte ou il n'accepte pas, ça ne revient pas à nous. Qala, amma al-muzah ma'a al-mira fadharhuma, khuluqan ila ardhahuma li sadiqi. Il a dit à son fils, amma la plaisanterie avec la polémique, avec le mira, avec le jidal, c'est des mauvais comportements. Thumma lui a montré les méfaits de l'ignorance. Qala Abu Hatim rahimahullah, al-mira ukhtu shana'an. Hada اختصار de tout ce qu'on vient de voir sur al-mira. Sur la polémique sur le jidal. Al-mira, la polémique, ukhtu al-shana'an. C'est la sœur de al-shana'an. Al-shana'an est bimana al-bughd, comme a qala fil hashiya. Wala yajrimannakum shana'ana qawmin an la ta'dilu, i'dilu. Hakada qala azza wa jal. Shana'ana qawmin est la haine d'un peuple. Que la haine d'un peuple ne vous pose pas à être injuste. Là, on doit être juste. Même envers al-kafara a'da illah. On doit être juste avec tout le monde. فالميرا أختو الشنآن الشنآن donc c'est la haine, la rancœur. Ça veut dire quoi أخت, la sœur? Ça veut dire que la polémique elle sera accompagnée en général de الشنآن, de la rancœur. قال كما أن المناقشة أخو العداوة. المناقشة ça ressemble à الميرا et العداوة ça ressemble à الشنآن, أي l'animosité, la haine. قال والميرا قليل نفعه كثير شره ومنه يكون السباب ومن السباب يكون القتال ومن القتال يكون هراقة الدم. هراقة الدم نعم, قال أصله إرواق ويقال أراق وهراق وأهراق. نعم إرهاق, إرهاق الدم, إراقة الدم c'est connu. أما cette formulation qui la stèle est moins connue, لكن c'est un autre lفظ dans le arabe. هراقة, هراقة الدم. وما مر أحد أحدا إلا وقد غير المراء قبل قلبيهما. Donc il a montré هنا أن المراء, la polémique, ça peut être cause d'insulte, d'énervement, d'insulte. ثم ça peut aller plus loin jusqu'à ce que ça finisse par l'écoulement de sang. Et كم من الناس تناقشوا au départ بل بعضهم, ça a commencé par une plaisanterie. ثم جدال. ثم ça a fini par une bagarre ou encore plus grave, faire couler le sang, yadam billah. قال وما مر احد احدا الا وقد غير المراء قلبيهما. Et en général, ceux qui tombent في هذا المراء sans ilm ou le jidal, leur cœur il change. Il change, ay l'un envers l'autre. والله المستعان. قال رحمه الله, on passe نختصر لان on a pris du temps pour le début. قال فالواجب على العاقل أن يستعمل من المزاح ما ينسب بفعله إلى الحلاوة ولا ينوي به أذى أحد ولا السرور أحد بمساءة أحد. هذا تقدم معنا هنا في إشارة أن المزاح ça doit pas être une cause pour faire du mal à ton frère, une moquerie إلى آخره, le blesser, le rabaisser. كذلك ولا السرور أحد بمماسة أحد, نعم كذلك ne pas plaisanter pour faire rire un tel et plaisanter faire plaisanter نعم pour faire rire un tel et pour faire du mal à un autre. Ça arrive, احيانا c'est pas de la plaisanterie, c'est de la moquerie. Tu trouves une jamaa, ils sont deux ou trois, ils s'attaquent à un autre au nom de la plaisanterie et ils le rabaissent, ils se moquent. Et ça lui fait beaucoup de mal. Hada c'est haram. Un musulman, il a un honneur. Un musulman, il est homme aimé auprès d'Allah Azza wa Jal. Fa la yajouz ihanatuh wa dhulmuh. On n'a pas le droit de rabaisser, d'humilier un frère. Abadan. Qala, rahimahullah, il a rapporté dans le atar suivant, an al-A'mash, an Ibrahim, qala, la yumazihuk illa man yuhibbuk. Il a cité ce atar, huna rahmatullah alayh, pour faire cette précision. Un frère, il peut être maladroit et faire une plaisanterie qui n'est pas adaptée, qui te blesse. Tout ce qu'on a vu auparavant. لكن اعلم ان ce frère qui plaisante avec toi la yumazihuk illa man yuhibbuk. On parle pas de ceux qui rabaissent, ceux qui ont une mauvaise intention, ceux qui humilient. Haoula ils plaisantent pas, haoula ils se moquent, haoula ils veulent faire du mal. Là on plaisante les frères qui sont maladroits et plaisantent vraiment, lakin ça peut te gêner. في هذا الحال n'oublie pas annahu la yumazihuk illa man yuhibbuk. Et celui qui plaisante avec toi c'est qu'il t'aime. Ama celui qui ne t'aime pas, il ne t'approche même pas en général. Il ne te parle même pas, il ne te donne aucune importance. Ama certains, ils sont maladroits. Lakin, imma, ils plaisantent beaucoup. Imma, ils savent pas plaisanter. Imma, ils emploient les mauvais mots. Fiyad al-Hal, n'oublie pas. Anna aussi, il plaisante avec toi, il t'aime. Donc, hada, ça nous pousse à quoi? Ça nous pousse à ne pas répondre au mal par le mal. Qala, Azza wa Jal, itfa' billati hiya ahsan. On repousse de la meilleure manière. Ça te gêne? Tu ne dois pas rester sans rien dire, ça te gêne. Il y en a, certains ils font une erreur, ils disent rien, ils gardent en eux, gardent en eux. Un jour ils explosent. Là, tu les montres. Ya Akhil Karim, cette plaisanterie. Emma, tu es fatigué, ça arrive, tu sors du travail, tu as une longue journée. Emma, les mots qu'il utilise, tu as peur qu'il tombe dans le haram. Oh, il ment, tu lui montres. Ya Akhil, c'est un mensonge, évite ça. Mouhim, annonce, billati hiya ahsan. Même s'il faut attendre un peu, hatta al-mouhim. Entre frères, on essaye de toujours garder ces liens. Enfin, ne pas perdre ses moyens. On a lu tous ces calams d'Ibn Hibban, ces savants qui montrent la gravité de la plaisanterie si elle n'est pas faite conformément à la sunna ou en faisant du haram. Et khalas, un frère, il plaisante avec nous et on le rejette. Là, voilà. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. On est ummat al-wasat. On est la ummat du juste milieu. On n'exagère pas, ni dans l'extrême, ni dans le laxisme. Da'iman, même dans ce domaine, la plaisanterie, dans tout, da'iman al-wasat. Qala rahimahullah, il a rapporté le athar suivant à Al-Muhammad ibn al-Munkadir. Qala, qalat li ummi, wa ana ghulam, la tumazih al-ghilman, fatahuna alayhim, أو يجترؤوا عليك. هذه كذلك comme on a dit auparavant la nasiha du père pour son enfant, كذلك la nasiha de la mère. لها وقع في قلب الصبي. La nasiha de la mère elle ne doit pas négliger هذا. Cette mère elle a conseillé son enfant. Et regardez son enfant plus tard il a rapporté al-athar Muhammad ibn al-Munkadir قالت لأمي. C'est devenu un imam et il a rapporté la nasiha de sa mère. Et cette nasiha, là, je sais qu'elle lui a fait du bien. En tant que parent, que ce soit père ou mère, on ne doit pas négliger Hadelbe. Se laisser aller. Un nasiha. Et on répète, ne crois pas que ton enfant, il t'écoute pas. Ebeden. Khasatan, si tu parles bi'ilm. Khasatan, si ton enfant, il voit de toi. Anaka, tu suis la vérité. Anaka, tu as un bon comportement. Anaka, tu veux son bien. Tu veux son bien. Kadalik, conseiller dans les choses importantes, pas dans tout. Il y a des choses, l'amr, sahl, lakin des choses qu'on ne doit pas négliger, abadan. Enfin, cette mère, elle a dit à son enfant, la tumazih al-ghilman. Ne plaisante pas avec les enfants. Khasatan, les enfants qui sont mal entourés. Khasatan, les enfants qui ont eu une mauvaise éducation. Khasatan, les enfants qui vivent dans certains endroits. Évite. La tumazih al-ghilman. Ne plaisante pas avec les enfants. Limada. Qal fatahuna alayhim. On l'a tous vu, là. Anna, certains enfants, si tu plaisantes avec lui une fois, il ne te respecte plus. Ils ne te respectent plus. Et Aulad, encore plus quand ils sont nombreux, ils s'autorisent certaines choses. Tu dois mettre des limites. Ça ne veut pas dire qu'on plaisante pas du tout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Nughayr. Lakin, chaque chose a sa place. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a un hadith. On n'a pas des centaines de hadiths non plus. Ça nous montre qu'on a chaque chose à sa place. قال فتهون عليهم أو يشترؤوا نعم عليك. ثم il a rapporté عن مالك بن دينار قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر ضحكه قلت هيبته ومن مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به. هذا c'est un point important. Celui qui rit beaucoup, قلت هيبته. Il ne sera plus respecté. Pourquoi? قال رحمه الله ومن مزح استخف به. Celui qui plaisante beaucoup, كذلك d'autres, ils vont s'autoriser certaines choses. كذلك ils vont plaisanter. Et est-ce que ces gens, ils vont avoir les limites que tu as ou que tu espères avoir? Donc, si tu plaisantes avec lui, ouais, il va te sortir deux, trois blagues en mentant, en insultant, etc. Il y a des barrières, surtout à notre époque. قال ومن أكثر من شيء عرف به. Fais attention, Akhil Karim, de ne pas faire partie de cette catégorie de gens qui sont connus pour Al-Mizah. Dans chaque quartier, dans chaque ville, Badnes, ils sont connus pour le Mizah. Dès que quelqu'un veut plaisanter, rire, perdre du temps, et ils attendent qu'un tel y vienne. Quand ils veulent faire une chose sérieuse, que ce soit Dina ou Dunya, ils l'évitent. Ne fais pas partie de Ha'oula. Annahum, c'est comme des clowns. Et là, tu es un musulman, tu as un honneur. Tu dois suivre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu plaisantes quand il faut. Amma, tu es connu pour être celui qui fait rire. Les gens ne te prendront pas au sérieux. Abadan. Wallah, le jour où ça va parler d'une chose sérieuse, maintenant, celui que tu fais rire. Et il te donne du temps que pour rire. Le jour où tu auras besoin de quelque chose de sérieux, maintenant, mariage, ça, tu seras le dernier qui présentera. Les gens ils reviennent au uqala. Et min sifat al uqala, comme قال ابن حبان رحمه الله, c'est عدم الاكثار من المزاح. بعض العلماء comparent le mizah, c'est comme du sel في الطعام. C'est comme du sel في الطعام. De temps en temps, il faut un peu de sel. Amma tu mets toute la boîte, هذا لا يفسد الطعام. قال رحمه الله أبو حاتم la dernière page, من مازح رجلا من غير جنسه هان عليه واشترأ عليه وإن كان المزح حقا لأن كل شيء لا يجب أن يسلك به غير مسلكه ولا يظهر إلا عند أهله على أني أكره استعمال المزاح بحضرة العوام كما أكره تركه عند حضور الأشكال. هنا il a conclu en montrant rahmatullah alayh, en montrant on l'a cité, hada walillahil hamd, le mouzah c'est pas avec tout le monde. Des gens qui sont pas comme toi, qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas le même âge que toi, ils n'ont pas la même catégorie sociale que toi, il a arrêté. Obama plaisanté, ils ne comprendront pas. Ahyanan, la plaisanterie c'est avec certains mots, certains gestes, peut-être que pour lui ces choses c'est grave et il va mal le prendre. Fali hada la shak anna avec entre amis, khassatan amis proches, ahyanan tu vas plaisanter pas comme avec quelqu'un que tu n'es pas proche. Et hada c'est wadih. Tout ça pour fermer les portes et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa salama wa alhamdulillah. Et on passe au dars suivant inshallah.